$2 pour $15, $3 pour $20 jusqu'à épuisement complet. Les t-shirts sont en vente à la station même, au 405 3e Avenue, à Limoilou. J'ai chaud, j'ai froid. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et Marc Chaunet au choix musical et à l'animation pour ce 2 heures hebdomadaires consacrées aux nouveautés rock progressif. Le nouveau rock progressif, on s'amuse beaucoup avec les disques récents, puis des fois aussi, étant donné qu'on est comme 4 à faire des choix musicaux, ben on fait des découvertes. Des fois c'est des nouveautés, des fois c'est pas des nouveautés du tout, mais les gens les connaissent pas. Alors on explore et on adore partager avec vous notre passion pour la musique rock progressif. On va débuter ce soir avec un petit retour sur les deux spectacles de rock progressif qu'il y a eu au festival d'été cette année. Donc c'était samedi dernier, le 12, et c'était à la scène du Parc de la Francophonie. Et il y avait Marillion, donc, qui est un groupe de l'Angleterre qui s'est fait connaître ici au Québec au tout début de leur carrière avec le chanteur Fish. Et ça devait être en 85, dans ces coins-là. Donc, avec Fish, ils avaient réalisé 4 albums. Mais ensuite, avec Steve Hogarth, qui est le nouveau chanteur, il est encore considéré comme le nouveau chanteur, mais ça fait 25 ans qu'il chante dans Marillion. Et ils ont réalisé en tout plus de 15 albums avec Steve Hogarth, dont Sounds That Can't Be Made, qui est leur plus récent album, paru en 2012. Ils ont débuté le spectacle donc avec la pièce Gaza, qui est un sujet d'actualité là, actuellement. Évidemment, ça fait couler beaucoup d'encre avec les conflits qu'il y a actuellement à Gaza. Donc, on ira de cette pièce intitulée Gaza, qui a été interprétée par Marillion en début de spectacle. Et je dois dire qu'il a attiré une belle foule. Les gens étaient, c'était rempli là. Puis les gens ont bien aimé le spectacle de Marillion. Et également, ça sera suivi de Deep Project, qui présentait son premier gros spectacle devant une bonne foule. Et les gens étaient assez, je pense aussi, assez très réceptifs à ce spectacle-là. Donc, ils étaient en quatuor avec la nouvelle violoniste qui apporte quand même Isabelle Cormier, qui apporte une belle couleur à la musique de Deep Project. Donc on ira avec la pièce Heart of Range, Heart of Line de Deep Project, mais d'abord Marillion, Sounds That Can't Be Made, la pièce Gaza. Living here brought no sense of shame. suddenly had nothing, and nothing's changed. My older brother But anyway you look at it,

Le groupe de Québec, The Deep Project, tiré de leur plus récent album Making Sense, et c'était la pièce Nothing Here Is Innocent. C'était donc un groupe qui a présenté un spectacle la semaine dernière dans le cadre du Festival d'été de Québec, et c'était précédé de Marillion, Sounds That Can Be Made, et c'était la pièce Gaza. Donc, c'était pour faire un petit retour sur... ces deux spectacles de style rock progressif qu'on a eu pour le festival d'été. Ça faisait quand même quelques années qu'il n'y en avait pas eu, au moins 2 ans, dans ce style-là. Alors, pour le prochain bloc, au retour de la pause, on aura Resistor, des États-Unis, tiré de leur plus récent album, leur 4e. C'était aussi le 4e pour The Deep Project, en passant. Et juste en passant aussi, c'est distribué par Universal Canada, donc disponible partout pour The Deep Project. Et c'est réalisé par le même réalisateur là, qui faisait le son pour les albums de Pink Floyd. Donc, belle réalisation sonore. Alors, donc, oui, au retour de la pause, je parlais de Resistor, leur plus récent album To The Stars. Alors, il y en aura la pièce titre. On a également le groupe Index du Brésil. On aura également Nick Turner. Alors, on s'en va en pause et au retour, une pièce donc du groupe américain Resistor. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Salut, c'est Mariem. Du 17 au 27 juillet, je vous invite au Festival des Journées d'Afrique. Québec vibrera au son des rythmes chauds et endiablés à la Place d'Yeovil, l'Impérial de Québec et le Cercle. Des artistes émergents et de renommée mondiale tels Kashkai les Saltimbanks, Naila, Shawit, Kumbacha et plusieurs autres. 11 jours de danse, de musique du monde, d'ateliers et d'animations pour toute la famille. Rendez-vous sur festivaljournédafrique.com pour l'ensemble de la programmation. Petit sondage. Êtes-vous passionné de musique, d'art ou de culture? Un bon communicateur, disponible 1 heure ou 2 par semaine, prêt à vous investir dans une radio communautaire? Si vous avez répondu oui à plusieurs de ces questions, vous pourriez avoir votre place dans la grille horaire 2014-2015 de CKRL. Rendez-vous au ckrl.qc.ca dans la section « Proposer une émission » et remplissez le formulaire en ligne. Vous avez jusqu'au 3 août. N'hésitez plus à faire partie de la grande équipe de CKRL. Au lieu de plaisir, de rencontres et de culture à Québec, le Sacrilège, votre bar de quartier, prépare sa terrasse pour l'été. Au cœur du Faubourg Saint-Jean-Baptiste, cette institution bat au rythme des activités artistiques qui y sont présentées. Venez profiter des nombreux spéciaux offerts tous les jours. Rendez-vous au 447 rue Saint-Jean. Le Sacrilège, fier partenaire de CKRL, félicite la station pour ses nombreuses années de service. From the earthbound dreamer, who we are, we belong to you, to the stars, send my light song. To you, a billion scattered galaxies to lie beyond the veil, Ad Astra's timeless mysteries to lift our eyes, enchanted we arise. And wonder out at the great who we are. Arise. is up, sensing ancient secrets from afar. Possibility, astral dust and energy. distance. Shine, stellar brilliance. Life is an instant to the galaxy. We'll be right back. Sur les ondes de CKRL au 89.1 à Québec, c'était le groupe Index. C'est un groupe qui provient de l'Argentine. Et en fait, ça a été fondé par un guitariste qui a été dans la formation Quaterna Requiem du nom de Jones Jr. Et c'était la pièce Loretta's Tale. C'est tiré d'un projet concept de Cameron. Et c'est 10 Days in 100 Novellas, donc 10 jours en 100 nouvelles. Donc celui-là, c'est la partie 1. C'est 4 CD qui représentent environ une trentaine ou un peu plus d'histoires, puisque le concept est basé sur 100 histoires qui ont été écrites par un Italien du nom de Giovanni Boccaccio entre 1350 et 1353. Et donc, à partir de ces documents-là, ils ont décidé de faire 100 musiques, avec une centaine, évidemment, avec 100 pièces musicales sur le sujet de Decameron. Donc, c'était la contribution du groupe Index de l'Argentine. C'est un groupe qui a réalisé 3 albums de 1999 à 2004. Et s'ils sont encore actifs aujourd'hui avec une excellente pièce comme ça, on pourrait peut-être espérer un quatrième album pour cette formation de l'Argentine. Et juste avant, c'était Steve Unruh et The Resistor, donc le groupe Resistor des Américains. Et c'était tiré de leur plus récent album To The Stars, la pièce To The Stars. Alors on poursuit maintenant avec Nick Turner qui sera à Montréal pour la tournée Nick Turner Hawkwind Space Gypsy le 14 septembre 2014 au Il Motore à Montréal, et les billets sont en vente. C'est un petit bar de rien, donc c'est pas vraiment une salle de spectacle là. C'est plutôt un show dans un bar. Donc on écoutera Nick Turner de son plus récent album Space Gypsy, la pièce Joker's Song. That Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Maintenant à La Barberie, en plus des 9 bières en fût, une bière en bouteille est servie au bar. On pige dans des cuvées spéciales, des bières rares, des bières vieillies. Mais allez-vous servir des bières ordinaires? Des bières ordinaires à La Barberie. Non. Mais des régulières, alors? Oui. Pour connaître la bouteille du jour, de la semaine ou du mois, consultez notre menu à labarberie.com ou sur notre page Facebook. Bonjour, vous me reconnaissez? C'est Michel Marcoux. Cette fois-ci, je ne veux pas vous vendre de bière, mais des t-shirts. C'est la grande liquidation des t-shirts officiels de CKRL. Vous en aurez un pour 10 $, deux pour 15 $, trois pour 20 $, jusqu'à épuisement complet. Les t-shirts sont en vente à la station même, au 405 3e Avenue, à Limoilou. J'ai chaud, j'ai froid. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez... A Barbecue, Dawn of the Planet of the Apes 3D, My Sweet Pepperland, Nos étoiles contraires, The Fault in Our Stars, La vie domestique. Aussi, à ne pas manquer au Musée de la civilisation... Barbecue, La vie domestique. Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes-annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Stéphanie n'a pas gagné de médaille, ni de prix honorifique. Elle ne fera pas de discours et ne signera pas d'autographe. Stéphanie vient de sortir de la résidence Le Portail, une maison de thérapie pour les femmes qui ont des problèmes reliés à la consommation d'alcool, de drogue ou de médicaments. Ce que vous entendez, c'est sa fierté enfin retrouvée. Lisez son témoignage sur residenceleportail.org. Cultive tes goûts. De retour à Terra Incognita avec Bruno et Marc. On poursuit donc pour le troisième bloc avec la formation américaine E-Colin qui nous rendra visite, ça fait depuis 2003 en fait qu'ils étaient venus à Québec pour le disque Mei. Entre-temps, ils ont fait paraître The End is Beautiful et également en 2012 le plus récent album tout simplement intitulé E-Colin. Et donc, ils seront ici au Centre d'art La Chapelle le 23 octobre et à Montréal le lendemain au Jésus. Donc, avec Conventum aussi à Montréal, c'est un groupe qui était actif de musique actuelle, qui était à ce moment-là, on appelle ça comme ça, qui était actif dans les années 70. Et c'est surprenant. Donc, et Colin, un beau retour. J'ai très hâte de les revoir. Les gars, ils ont l'air en pleine forme. Ça promet. Donc, ce sera la pièce de Cardinal and I, du plus récent et Colin. Et ce sera suivi du groupe allemand Argos, qui seront en fait à Prague de Castle, qui est un festival de rock progressif dans un château en Allemagne. Ça se fait l'an prochain, les 8 et 9 mai 2015. Et il y aura Argos qui sera là, il y aura RPVL, Crystal Palace, qui sont des groupes allemands. Il y aura également Anubis, qui sont de l'Australie, Tromhaus, ouais, ils sont allemands, All Sweden, de la Grande-Bretagne, et Laura de la France. En fait, il y a 10 groupes en deux journées. À Prague de Castle. Si ça vous tente d'aller faire un tour dans un château là, en Allemagne, aller voir du Prague, pour les passionnés. Alors donc, on aura une pièce d'Argos tirée de leur plus récent album. C'est la pièce titre Cruel Symmetry. Et, mais d'abord, et Colin. We'll be right back. is just a bird. We share the lines of infinite direction, but chose cannon into wall. I know that if I had the cardinal's wings, a light would shine on everything. We'd be golden. Fluorescent skies of palest skin. I survive by stealing time from pipe dreams hidden deep behind my eyes. It's a curse that we share. As we drone on, we are fruitless, drained of life. Hitch my name to the wrong star, but I prefer stars once they've fallen. I always hitch my name to the wrong star, but I prefer stars once they've fallen. Fallen once they've fallen. in time. Coupled in this strange geometry, everything has a cruel symmetry, everything. Oh. a cruel cemetery. Everything, everything. All we build and all we say, all we wish could go away. Things we wear as masquerades to play. And the dreams that make your day, and the fears you keep at bay. You are here and far away in time. Everything has a cruel cemetery. Everything. Thank you. drift and awake, over and out, don't leave no doubt, they take control. Selling your soul till nothing remains, cut down to size, don't live and change, this mirror will crack! Still you look across the sky, and you crave infinity, but you never make them meet, these parallel lines. Better find a light today, better start to find your way, better stand on your own feet, ride on parallel lines. Yeah.

cerchi una porta nel buio, intorno a te provi angoscia e paura, non sai dov'è ciò che non vedi, ti inquieta, non sai il perché, un senso d'ignota paura nasce dentro te, hai chiuso. Chiuso una porta alle spalle, correndo via, ora ritorni ad aprirla, non è più casa tua, vorresti fuggire lontano, ma non c'è luce, resti da solo.